Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Quatrième occasion aujourd'hui pour nous de vous transmettre une philosophie du gore. De l'esthétique de la charogne, lundi, au cinéma gore, mardi, de l'anthropologie des zombies, ça c'était hier, jusqu'aux jeux vidéo. C'est le programme du jour. Comment distinguer le gore de l'horreur? L'histoire des jeux vidéo est-elle aussi une histoire de la critique des images violentes? Et si Aristote nous permettait de comprendre pourquoi nous pouvons tant nous délecter à passer des jours entiers devant un écran à tuer tous ceux que nous croisons? Réponse aujourd'hui avec Alexis Blanchet. Bonjour à vous. Bonjour Adèle Van Triet. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle en cinéma et audiovisuel, spécialiste des liens entre cinéma et jeux vidéo. Et vous êtes venu aujourd'hui avec votre PS4. Eh oui, parce qu'on va jouer. On va voir, je ne sais pas si je suis prête. Est-ce que vous êtes prêt? Ah moi je suis prêt, oui. Bon, c'est parti. Retour au standard du téléphone, sonne un autre appel. 45 24 7000. Voilà, bienvenue, bonsoir. Ma question est la suivante, je voulais savoir si on pense que la violence est pire à la télévision ou aux jeux vidéo. Il y a effectivement une bonne proportion des jeux qui sont violents, ça c'est incontestable. Ils sont pas violents à la suite, je sais quel calcul des éditeurs, ils sont violents parce qu'il y a une demande pour ça. Et je crois pas que les éditeurs qui sont tous petits, hein, il faut quand même rappeler que c'est des petites boîtes, c'est pas des grands médias comme le sont les chaînes de télévision. Donc les éditeurs font en gros ce que le marché absorbe. Le monde des jeux vidéo est un monde qui relève de l'industrie du jouet et qui est très contrôlé en fait, beaucoup plus que le cinéma et beaucoup plus que la télévision. Mais il y a des problèmes là-dessus, il faut s'intéresser à chacun des titres. Hein. Mortal Kombat, par exemple, en ce moment, d'abord, outre que c'est un mauvais jeu, est un jeu qui, dans certaines versions, est tout à fait scandaleux par la violence qu'il met en scène. Le discours a-t-il changé sur les jeux vidéo, Alexis Blanchet, depuis 1993? C'était l'année où a été enregistrée cette émission, le téléphone sonne. C'était Alain de Diberder qui déplorait la violence des jeux vidéo, dont Mortal Kombat, dont on vient d'entendre un extrait qu'il n'aime pas, que j'aime beaucoup personnellement. Bah, probablement ma présence ici aujourd'hui devant le micro de France Culture, dans une émission qui s'appelle Les Chemins de la Philosophie, semble nous dire que le discours a changé et qu'on peut aujourd'hui passer une heure d'émission à parler d'un motif, le gore, d'un genre, l'horreur, dans un média et sur un support qui est celui des jeux vidéo. Moi j'ai joué à Mortal Kombat en 92, j'étais collégien et on avait beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu de combat, qui n'est pas un jeu horrifique au sens premier du terme, on va peut-être revenir un peu sur le ouais. Genre en lui-même et un peu les contours de la question, mais qui en effet avait frappé l'opinion publique à l'époque par ce qu'on appelait les fatalities, c'est-à-dire des gestes qui venaient conclure le combat, le dernier geste final de mise à mort de l'adversaire. Alors cette fatality d'ailleurs, vous me l'aviez fait écouter il y a un an. J'avais fait une série d'émissions sur les jeux vidéo. Vous parlez et d'une certaine ouais. façon, elle est probablement assez marquante d'une idée qu'on a du jeu bah, vidéo. C'est au ralenti, c'est très violent. Et pour le coup, gore sans doute, en tout cas on voit les organes et du sang qui gicle. Bah, c'est une violence qui est à relativiser aussi sur un jeu de 92 assez pixelisé avec tout un système de création des avatars et des personnages. Elle est assez carnavalesque hein, d'une certaine façon et évidemment les dernières versions en cours de Mortal Kombat gardent ce sens de l'outrance qui est un plaisir du gore. Alors là où le discours a changé, c'est que dans l'extrait qu'on a entendu, Alain Le Diberder parle des éditeurs de jeux vidéo qui sont tout petits, hein, qui sont presque des éditeurs de divertissement, de jouets, dit-il. Aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on considère les jeux vidéo. Alors, c'est sûr qu'entre le début des années 90, où on était encore dans cette idée qui est imposée par Nintendo of America dans les années 80, que le jeu vidéo est un support à l'attention des familles et des enfants, aujourd'hui, on a des éditeurs, des machines et des pratiques qui semblent s'être largement ouvertes, en tout cas qu'on repère sur un public adulte, avec une variété, évidemment, des jeux. Nous, on va s'intéresser ici à une forme particulière ou à la récurrence d'un motif particulier, mais probablement qu'on ne traiterait pas la question de la même façon aujourd'hui, heureusement. Mais voilà, aujourd'hui, bah, il y a des enseignants-chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, à l'université, en France, au Québec, à Montréal, un peu partout dans le monde. Donc, en 25 ans, il y a eu un effet un peu de sédimentation du sujet, probablement, qui s'est inscrit comme ça, comme objet de recherche. recherche d'une part, comme objet d'enseignement aussi, comme objet de réflexion universitaire, et que probablement qu'à la aux questions polémiques sur la violence s'est substituée celle de l'addiction au début des années 2000, mais ça c'est une autre question. Parce que les jeux vidéo ne sont pas plus violents aujourd'hui qu'ils l'étaient avant. Bah, leur violence graphique est peut-être d'une certaine façon poussée par les moyens techniques qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a la question du photoréalisme, d'image qui renvoie à une qualité photographique ou cinématographique. Ce motif de la violence, on peut le retrouver dès les années 70 ou les années 80. Et évidemment avec des moyens et des graphismes qui vont être assez peu figuratifs. Donc on peut être frappé aujourd'hui de cette violence visuelle. Dans les années 80, elle frappe aussi certains observateurs, particulièrement les associations familiales qui sont assez attentives à ce à quoi joue la jeunesse, mais avec des moyens visuels qui sont beaucoup plus faibles que ceux disponibles aujourd'hui. Ce qui n'est pas sans lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, Alexis Blanchet, parce que quand on parle du gore, on parle de ce qu'on voit. Et le gore, à la différence de la violence en général, est une manière de tout montrer. C'est ce que Philippe Rouilly nous expliquait dans l'émission sur le cinéma gore mardi dernier. Il n'y a pas de hors-champ dans le gore, on voit tout. Or, si l'on voit tout à l'écran, en jeu vidéo et que c'est de mauvaise qualité ou très pixelisé, bah finalement on n'a pas vraiment peur parce qu'il y a une distance entre nous et l'écran. La question du gore ou le problème du gore selon les perspectives se pose davantage dans les jeux vidéo quand ceux-ci atteignent une qualité telle qu'on ne voit plus la différence entre la réalité et l'écran. Alors, cette question de voir la différence, elle est toujours portée sur cet horizon du photoréalisme qui est un horizon qui est toujours à atteindre. C'est-à-dire ce qui va nous paraître aujourd'hui photoréaliste en jouant à un jeu de 2018 ne le sera probablement pas pour des joueurs de peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, puisque évidemment on est dans un phénomène de progrès technologique, progrès technique, qui permettent chaque fois aux images de gagner en finesse, de gagner en texture, etc. La question du gore, elle est intéressante par rapport aux jeux vidéo parce qu'elle pose la question, je vais dire, de l'échelle de plan, d'une certaine façon. Le jeu vidéo est un média qui a besoin d'échelles de plan qui vont permettre aux joueurs et aux joueuses de se situer très souvent dans un environnement, puisqu'on est sur un média qui est un média assez spatial. On est dans des environnements, alors ça peut être des environnements 2D ou 3D, mais il va falloir se déplacer. Pour se déplacer dans un environnement, pour voir arriver des ennemis qu'on va affronter, en général, il faut des échelles de plan assez larges. Or, le gore, ça a été dit par Philippe Rouillet mardi dernier, il y a quelque chose du plan rapproché, de la monstration, qui est vraiment au cœur de ce mouvement-là, et qui est une possibilité proposée par un champ plus large, qui est celui de l'horreur. Alors, en réfléchissant... Donc vous distinguez l'horreur et du gore? Je pense le gore comme une sous-catégorie de l'horreur, ou comme une expression de l'horreur, comme une possibilité offerte dans un éventail à la question horrifique. On l'a vu, c'est un moyen de pousser un peu plus loin les questions, de pousser toujours un peu plus loin pour amener le spectateur à voir des choses parfois jugées immontrables à une époque. Et c'est vrai que le jeu vidéo va profiter très probablement des très grands progrès de ces 15 dernières années pour pouvoir figurer ça réellement et pouvoir permettre par des dispositifs de s'approcher et de regarder en gros plan, par exemple sous la forme de la vue à la première personne, qui va permettre sur un écran de télévision et aujourd'hui avec des casques de réalité virtuelle de pouvoir observer finement de manière approchée des questions qui renvoient à la texture, à la matière, au reflet, à des choses qui vont essayer de provoquer le dégoût. Alors la différence que je ferais en revanche, c'est qu'avec le cinéma, il y a quand même une caméra, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui a été filmé par cette caméra. Forcément, les effets spéciaux numériques depuis 25 ans ont changé la donne. Et on sait que les images qui nous sont présentées sont peut-être des hybrides d'images numériques, d'effets spéciaux numériques et d'images tournées en prise de vue réelle. Dans les premiers films gore, il y a cette idée que ça s'est passé devant la caméra et qu'il y a peut-être un doute, d'autant plus quand certains films, Cannibal Holocaust, vont essayer de mélanger ça avec la forme du faux documentaire et donc de travailler sur cette notion qui est très bien exprimée par Todorov, par exemple, sur le rapport au fantastique, c'est l'hésitation. Qu'est-ce qui s'est passé? On évoquait mardi dernier le Grand Guignol à ce micro-là. C'est vrai que le Grand Guignol, c'est un plaisir outrancier. Donc et un théâtre qui mettait en scène des scènes ultra-violentes, voilà, justement. Mais sur scène, sur scène, devant le spectateur et la spectatrice, avec cette idée que ça se passait devant nos yeux, dans une forme de contiguïté avec la scène. Et probablement ce qui faisait le succès, ce qui a fait le succès pendant des dizaines d'années du Grand Guignol, c'est cette hésitation dans laquelle on laisse les spectateurs et les spectatrices à l'issue de la séance. Est-ce que ça s'est réellement passé devant mes yeux? Alors le jeu vidéo, forcément, c'est un objet 100% numérique. On sait que ces images qui nous sont présentées sont des images qui sont composées à l'ordinateur par des équipes, avec des moteurs graphiques, avec tout un arsenal technique. Et en même temps, on joue. Et donc on est beaucoup plus actif. En même temps, on est, voilà. Alors, il y a quelque chose peut-être qui se rééquilibre là, mais en tout cas, on sait que ces images sont des images produites, qu'elles n'ont pas de réalité, qu'elles ne se sont pas passées devant une caméra. En revanche, on a cette idée de l'immersion, qui est souvent une catégorie qui est employée pour dire ce que fait le jeu aux joueurs et aux joueuses. L'idée qu'on interagit aussi, et probablement que là, ce rééquilibre entre cette idée qu'on est dans quelque chose de l'ordre du second degré, on sait que c'est des fausses images d'horreur, et puis quelque chose qui va nous confronter parfois dans une proximité assez importante avec la figure du zombie, la figure du monstre ou la figure horrifique en général. La question qui se pose est celle de savoir si le jeu vidéo ne serait pas le lieu par excellence, le lieu optimal pour s'adonner au plaisir du gore, car c'est quand même un plaisir si le cinéma gore existe, si les jeux vidéo avec du gore existent, c'est que ça correspond à une demande. Et la position dans laquelle est le joueur, qui est de plus en plus immergé dans l'univers du jeu vidéo, avec les casques de réalité virtuelle par exemple, où il peut choisir ce qu'il va faire et en même temps il subit mais il choisit, mais il n'est pas passivement assis comme au cinéma. Est-ce que ce n'est pas aussi un pas en avant vers une grande jouissance aussi de ce qu'on ne voudrait pas regarder, ce qu'on ne peut même pas imaginer et dans lequel on peut se vautrer allègrement chez nous? Alors, évidemment, on voit jouer des joueurs. Moi, je pense à ma fille, là, à qui j'ai fait tester un casque de réalité virtuelle. Bon, bah, dans une séquence. Elle a quel âge? Elle a 11 ans. Et c'est une séquence plongée sous-marine avec, évidemment, à un moment, l'irruption d'un grand requin blanc. Et c'était assez intéressant puisque elle était dans une logique de détourner le regard et probablement de fermer les yeux dans son casque pour pas faire face à face. Donc, on retrouve des stratégies qui sont ces stratégies d'être attiré probablement. Et puis, à un moment, d'avoir la main sur les yeux, parfois les doigts légèrement écartés quand même, pour en apercevoir quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que avec un dispositif comme le casque de réalité virtuelle, on est en effet à 360 degrés dans un environnement et il va falloir quand même affronter quelque chose, parce que la logique qui sous-tend tous les jeux d'horreur, si on peut les appeler comme ça, c'est quand même une logique de survie en général. Et c'est ça le moteur de ces jeux-là, c'est que la personne qui est aux commandes de l'avatar ou qui est en vue subjective dans cet environnement va essayer de survivre à des événements, de s'échapper très souvent d'un lieu clos. Ça a l'air d'être une récurrence dans ce type de jeux-là. Donc on a évidemment une tension narrative qui est mise en place par ça, et puis un environnement qui va pouvoir provoquer du dégoût, nous effrayer, nous donner du plaisir aussi. Mais c'est ça quand même. Voilà, on est toujours dans quelque chose de particulièrement ambivalent, c'est-à-dire ce goût d'aller vers quelque chose d'inregardable et en même temps cette envie folle de le regarder, peut-être même de l'affronter. Donc d'une certaine façon, se rejoue probablement du point de vue du jeu vidéo, ce qui s'est rejoué avec le roman d'épouvante, Stephen King, le cinéma gore, le cinéma d'horreur, c'est-à-dire de jouer sur, ou le train fantôme, enfin voilà, typiquement le train fantôme, c'est-à-dire de jouer sur cette ambivalence des spectateurs, des lecteurs ou des joueurs de jeux vidéo qui sont dans un aller-retour, une valse à deux temps, comme ça, entre eux, j'ai envie de me confronter. Et parfois, certains témoignages de joueurs ou de joueuses qui disent « Non, mais moi j'ai arrêté, je ne pouvais pas aller plus loin. » Mais même bien avant le train fantôme, parce qu'en fait, ce que vous décrivez là, le rapport ambivalent du spectateur à un spectacle vraiment gore dans le jeu vidéo au cinéma, est à l'essence même du rapport entre tout spectateur et tout spectacle. C'est ce qu'Aristote décrit dans la Poétique. Il écrit ceci, il dit « La tragédie est l'imitation d'une action noble, conduite jusqu'à sa fin, ayant une certaine étendue, en langage relevé d'assaisonnement dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l'œuvre. C'est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d'une narration, et qui, par l'entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre. Par langage relevé d'assaisonnement, j'entends celui qui comporte rythme, mélodie et chant, et par espèce utilisée séparément, le fait que certaines parties ne sont exécutées qu'en maître, d'autres en revanche à l'aide du chant. » clôture les chemins de la philosophie qui vous propose cette semaine une philosophie du gore, aujourd'hui dans les jeux vidéo, en compagnie d'Alexis Blanchet, qui est maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle en cinéma et audiovisuel, qui a écrit sur les rapports entre jeux vidéo et cinéma. Et nous sommes en train d'écouter la bande-son d'un jeu qui s'appelle Hotline Miami, qui date de 2012, Alexis Blanchet, qui vient illustrer le petit texte que j'ai lu d'Aristote. Alors c'est intéressant parce que Aristote parle de la tragédie, il parle de l'imitation d'une action noble. Je ne sais pas si tous les jeux vidéo imitent une action noble. En revanche, il le dit bien, ce sont des personnages en action, et pas par le moyen d'une narration, par l'entreprise de la pitié et de la crainte, et donc des passions très fortes qui peuvent nous mouvoir, nous, quand nous jouons à des jeux vidéo, et l'importance du rythme, de la mélodie et du chant pris séparément, c'est aussi le montage qui a lieu dans les jeux vidéo. En fait, ce qu'il dit de ce qu'on a appelé après la catharsis, ça applique sans doute aux jeux vidéo, non ? C'est probable, d'une certaine façon. Alors la séquence qu'on a entendue là, elle est assez intéressante. On est typiquement dans le type de jeu qui va pas appartenir à proprement parler au genre horrifique, si on peut le définir comme ça, parce que je suis pas forcément sûr que la presse utilise ce terme-là. En général, c'est plutôt le terme de survival horror, mais on y reviendra. Et ce jeu qui va plutôt s'inspirer d'un autre genre cinématographique, qui est le film de gangster. D'ailleurs, Hotline Miami renvoie aussi à un territoire qui a largement été exploité par le cinéma, la Floride et Miami comme lieu d'affrontement entre bandes de gangsters ou gangsters et policiers, narcotrafiquants, etc. Et c'est un jeu qui va permettre aux joueurs, aux joueuses d'expérimenter ce qu'on appelle un twin shooter. On va pouvoir se déplacer dans des environnements en 2D. Et évidemment, on va abattre des bandes de gangsters pour pouvoir nettoyer des bâtiments, une sorte de tueur à gages. Et alors, ce qu'on entend dans la séquence, c'est toute la question de la tension du joueur qui est soulignée par la bande. De son, tirs d'armes à feu, etc. À l'image, vous avez des traces de sang qui vont exploser partout chaque fois que vous tuez quelqu'un, et les corps vont rester au sol. Donc vraiment, vous êtes en train de faire un carnage. Et puis au moment où vous tuez votre dernier adversaire, le silence se fait. On a une sorte de baisse de tension assez immédiate. Et vraiment, en termes d'expérimentation de jeux vidéo, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui a été particulièrement relevé par la presse dans ce travail sur le tempo dans ce jeu-là. Et ce jeu-là, voilà, va se réapproprier un motif du gore à travers cette figuration du sang. On est dans un jeu en 2D, vraiment. Oui, mais c'est ça, vraiment vieillot. Enfin, voilà, dans les années 80, c'est pas du tout réaliste. Qui choisit en 2012 de retourner vers une esthétique qu'on appellerait aujourd'hui une esthétique 8 bits, un petit peu dépassée, mais qui arrive par des mouvements d'appareil sur cette vue aérienne sur la situation, par des effets de mouvement et de plaisir du mouvement. Hein. Le joueur, vraiment, quand on se déplace dans ces environnements, il y a un vrai plaisir du déplacement. De travailler sur cette question de l'horreur qu'on vient de produire, puisqu'évidemment quand on est dans le silence et qu'il faut retraverser toutes les salles et tous les étages qu'on vient de nettoyer, on repasse sur une sorte de charnier qu'on a produit de tous ces corps qui sont là. C'est un des moyens dont le jeu vidéo s'empare de ces motifs. L'autre moyen, mais c'est peut-être celui qu'on peut tester maintenant si vous en êtes d'accord, c'est le jeu d'horreur. Alors j'ai proposé... prends ma respiration, vous avez amené un casque de réalité virtuelle en studio. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant que vous-même vous prêtiez au jeu de l'horreur. Donc j'ai apporté un casque de réalité virtuelle qui fonctionne sur une console du marché actuel. Je vous ai rapporté un jeu de Capcom qui s'appelle Resident Evil, qui est l'épisode 7. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir expérimenter ce jeu. J'ai accepté. Et mais... je vais vous proposer de vous balader dans un vieux manoir de Louisiane dans lequel vous incarnez un homme qui s'appelle Ethan, qui a eu un message venu 3 ans après la disparition de sa femme, qui s'appelait Mia, qui lui dit de se rendre dans ce manoir-là pour peut-être essayer de la retrouver. J'ai déjà les poils qui se dressent sur les bras. J'accepte, allons-y. Hop, placez le casque. Voilà, on va bien calibrer. Tournez un tout petit peu sur votre droite. Là. Non, j'ai pas envie. Voilà. Et vous bougez plus, vous regardez la tête devant. Voilà, pour être bien. Je vous tends la manette et c'est à vous d'avancer dans la. Bon, là, c'est comme une maison hantée. En fait, c'est parce qu'on sait qu'on va avoir peur qu'on a déjà peur. Là, je vois un truc derrière la serrure. J'avance tout doucement. Hein. J'ouvre la porte. Je suis courageuse. Pour l'instant. Là, j'arrive pas à dire. Mais je suis pas armée, en fait. Non. Vous êtes dans un état de fragilité. Ouais, je vous le confirme. Alors voilà, là, j'ai ouvert une casserole. Et... d'accord. Donc, il y a des cafards sur ma main. Bon, il y a des sacs. Je pense que ça sent très mauvais. Il y a quelque chose là-haut. Un plafond de bois pourri. Et là, il y a une porte condamnée. J'ai la fonctionne pas. La lumière, j'imagine qu'elle fonctionne pas. Bon, je vais aventurer dans le noir. Là, il y a une cassette. Voilà, ça peut être intéressant pour vous de la prendre, parce que ça va pouvoir déclencher la séquence d'après. Allez, maison abandonnée. Pourriture. Ah, il y a des livres. De toute façon, je peux pas les prendre. C'est une espèce de biberon. Les canapés en très très vieux, pourri, moisi, une télé. Ça marche pas. Ah non, oui, c'est vrai. Je mets la cassette, qu'est-ce que je vais voir? Là, je regarde un film. Non, je regarde le film, là. Je rentre dans le film, d'accord. Donc là, en fait, c'est un film dans le jeu vidéo. Je peux moi-même bouger dans le film. André, what do you think? Là, il est où? Oh non, ça y est, il a disparu. André! What the fuck was that? Il y a un bruit derrière la porte. Did you hear that? Vas-y, je te filme. André! What the fuck is he? Là, il y a pas un bruit bizarre. André, where are you, man? You first. Ah non, je veux pas, Coming down the ladder. Ok, donc là, je descends une échelle. You first. Vers une cave. Ah! Il y a un... Ah, mais il y a des scènes horribles. Ok, donc j'ai vu deux têtes de zombies dans la cave de la maison où je suis. On peut peut-être s'arrêter là. Ouais. Bravo. Comment bat le cœur? Ça va. En fait, on s'habitue au bout d'un moment, une fois qu'on synchronise le corps réel et le corps du jeu vidéo. Et que voilà, moi je pensais qu'en fait les zombies allaient arriver tout de suite, dès la première minute. Donc en fait, on s'habitue ensuite à attendre. J'étais prête à avoir peur et pas à attendre. Et donc, ça met dans une tension assez incroyable. C'est qu'on regarde tout. En plus, les mouvements changent un peu avec le casque. Bon, on est très, très, très, très tendu, quoi. Mais enfin, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est vraiment sur un mécanisme typique de l'horreur. C'est-à-dire que l'horreur fonctionne sur l'attente. C'est de craindre ce qui va arriver plutôt que de ce qui arrive. D'une certaine façon, on vous voyait déjà dans des hésitations de parcours. Est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Est-ce que je me lance ou pas? Alors, ce qui est intéressant dans la séquence à laquelle vous avez joué, vous avez retraversé deux fois le même environnement. Donc toujours la cuisine, puis quelques couloirs et une pièce de cette maison de Louisiane. Et puis, quand vous avez déclenché la vidéocassette, finalement, vous vous retrouviez caméraman d'une émission de télévision type un peu télé-réalité qui va explorer des maisons hantées ou des lieux où il s'est passé des horreurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous sort de la solitude première, qui était un peu inquiétante, pour vous mettre avec des personnages, donc plutôt quelque chose de rassurant. Évidemment, l'idée de garder un peu ce groupe social dans le film d'horreur. On sait que si on essaye d'affronter l'horreur tout seul, ça marche pas. En général, il faut être plusieurs. Et avec cette disparition, qui, je trouve, a bien marché là dans votre expérience d'André, c'est-à-dire qu'à un moment, un des deux types disparaît. Et c'est vrai que on l'a pas vu disparaître. Quoi. Il est parti dans le noir. Et là, on a senti un moment d'angoisse pour vous. Ah non, mais je vais pas y aller. Bon, et puis finalement on y va quand même parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe jusqu'à devoir être le premier la première à passer. Oui, voilà, parce que jusque là j'étais derrière d'autres personnes. Enfin, une fois qu'on rentre dans le film, et là quand c'est moi qui dois descendre l'échelle, là c'est beaucoup plus flippant. Oui. Voilà. Et en fait, vous avez retrouvé André, le corps de zombie qui vous est tombé dessus. C'était André qui était empalé en fait sur un tuyau au fond de la cave assez humide dans laquelle vous étiez. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, pourquoi je vous ai proposé de tenter l'expérience, c'est que d'une certaine façon, on est dans le play, on est dans l'expérimentation du jeu, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler des contenus, on pourrait parler des structures de ces jeux, et puis il y a quelque chose d'expérimentation là, vous avez eu un cri quand même sur la fin, enfin en tout cas une expression un peu de votre surprise et de votre désagrément, et puis, alors évidemment pour les besoins de l'expérience dans un cadre un peu particulier, mais quand même l'envie d'y aller, quoi, d'aller voir ce qui se passe. On est peut-être un peu impressionné au départ par cette envie environnement 3D que vous avez, auquel vous êtes familiarisé le temps de cette expérimentation. Mais on voit ici, donc c'est vraiment une séquence d'amorce hein, du jeu. C'est pire après. C'est pire après. Ouais. Je n'ai pas voulu vous montrer une séquence où vous allez faire un face à face avec Mia, donc la femme que vous recherchez, qui a été un peu zombifiée dans cette série qui s'appelle Resident Evil pour sa version occidentale, mais Biohazard, le risque biologique pour la version japonaise. Et bon, visiblement, elle a été contaminée par quelque chose qui fait qu'elle vous agresse à un moment. Et là, on est dans ce face à face avec un personnage zombifié, les yeux vides. Et il va falloir se défendre, donc d'abord avec les mains, puis après avec une hache que vous allez trouver. On est arrivé jusqu'au motif gore. On a eu ce visage tuméfié, ensanglanté, etc. J'ai vu un vrai zombie qui tombait devant mes yeux. Voilà. Et évidemment, tout ce qui est intéressant, c'est que le moment où on a peur, c'est peut-être moins le moment du face à face que le moment qui prépare à tout ça, c'est-à-dire ce fantastique d'atmosphère qui va se déployer. Vous nous avez décrit les plafonds, les murs, la salissure, même ça vous avez évoqué des odeurs. Vous avez dit ça à un moment, ça ne va pas sentir très bon, en effet. Mais de cette mise en condition, finalement, il y a un effet, mais qui est voilà typiquement le scare jump du film d'horreur qui fonctionne là assez efficacement. Scare jump, c'est qu'on saute de peur, en voilà, fait. Hein. Mais alors, c'est là où l'expérience est vraiment étrange, même par rapport au gore, c'est qu'elle est absolument complète. C'est-à-dire que le principe du gore, c'est quand même qu'à un moment, il y a une petite distance, parce que c'est sur un écran, au cinéma en tout cas, et qu'on peut tout à fait regarder à côté pour se distraire et ne pas avoir l'image sous les yeux. Là, avec le casque des réalités virtuelles, on ne peut pas s'échapper. Et donc, c'est assez étrange, parce que d'un côté, on est prisonnier de ce qu'on voit, mais de l'autre, on y va uniquement parce qu'on sait que c'est un jeu. Si vous me mettez pour de vrai dans une maison hantée, je vais pas du tout y aller. Alors que là, parce que je sais que c'est un jeu, j'y vais. Donc en fait, on a conscience que c'est un jeu, mais on fait des choses qu'on ne ferait pas dans la réalité. Et en même temps, peut-être cette sensation d'emprisonnement dans le casque, elle est assez raccord avec le motif du jeu, puisque vous avez vu que vous étiez enfermé, hein, la porte que vous avez essayé d'ouvrir au départ s'ouvrait pas, hein, et il fallait aller de l'avant pour essayer de sortir, et l'objectif va être de sortir de cette maison. On le disait tout à l'heure, c'est un des motifs un peu récurrents des jeux horrifiques, qui trouve là, d'une certaine façon, un dispositif qui s'adapte bien, et qui est assez mimétique en fait, une joueuse enfermée dans son casque et qui doit faire face à ses images, mais qui interprète un personnage qui lui-même doit sortir de la situation. Ouais. Ce qui est ça aussi, c'est un jeu à la première personne, mais où je joue quelqu'un d'autre. Donc c'est qu'à la fois on se sent concerné, en même temps on sait qu'on devient quelqu'un d'autre au moment où on joue. Il y a quelque chose aussi d'une distance hein, qui se joue. Vous êtes dans une situation fictionnelle, heureusement, vous faites la différence entre les deux. Mais c'est voilà tout le plaisir aussi, c'est de partager une certaine empathie avec ce personnage qui part d'une situation finalement assez dramatique et qui va devoir aller affronter l'horreur pour essayer de résoudre une situation. Ouais. Alors il y a certaines personnes qui ont réfléchi et écrit sur le jeu vidéo et le gore en particulier. Je pense notamment à Bernard Perron. Donc je vous propose d'écouter un texte, parce qu'il a écrit sur ce sujet-là. On écoute, ça me permet de reprendre mes esprits, puis je reviens vers vous, Alexis Blanchet. Dans l'adaptation d'Halloween en jeu vidéo pour l'Atari 2600, l'avatar possède 3 vies pour se déplacer dans des espaces adjacents représentant les 16 pièces d'une maison de 2 étages. Les niveaux supérieurs et inférieurs sont accessibles via des portes communicantes. Le personnage joueur est une babysitter qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver du tueur, ce dernier peut apparaître n'importe où, autant d'enfants que possible et les emmener dans des pièces où ils seront à l'abri. Chaque enfant sauvé permet au gamer d'engranger 675 points qui s'accumulent pour obtenir son score total. De temps à autre, la babysitter trouve un couteau avec lequel elle peut se défendre. Il n'est pas précisé, ni sur le coffret, ni dans le livret, que le tueur est Michael Myers, le personnage principal du film. Mais le bleu de son costume établit ce lien. En fait, le personnage joueur et les personnages non-joueurs commencent à avoir forme humaine. Les enfants terrifiés agitent des bras composés de 2 pixels. Michael brandit son couteau de 3 pixels. Et tout le monde bouge de tout petits pieds. Ce niveau initial d'anthropomorphisme donne naissance aux premières images gore. Après avoir poignardé la babysitter, Michael lui coupe la tête et la laisse courir au hasard, des pixels de sang jaillissant de son cou. Il en va de même pour les enfants. Pour mettre un peu plus le gamer dans l'ambiance du jeu, Halloween reprend, à chaque apparition de Michael, les premières notes du thème musical du film. L'effet de ces apparitions soudaines est accrue par une panne de courant. La lumière vacille et vous plonge quelques secondes dans l'obscurité alors que le tueur est à vos trousses. Alors attention, éloignez les oreilles sensibles, hein, nous parlons de films d'horreur et de gore dans le jeu vidéo aujourd'hui sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Alors le texte qu'on vient d'entendre est de Bernard Perron, il parle du jeu vidéo Halloween. Bernard Perron, peut-être vous pouvez nous le présenter, Alexis Blanchet ? Oui, alors Bernard Perron est un professeur d'université à l'Université de Montréal, chercheur en cinéma. Son parcours est intéressant parce qu'il résume assez bien la raison, je pense, pour laquelle il s'est intéressé aux jeux vidéo d'horreur ces dernières années, et plus largement aux émotions dans les jeux vidéo, en partant d'une émotion qui est la peur. Bernard avait fait ses premiers travaux sur le motif ludique dans les films. Donc il s'est intéressé en fait déjà dans les films, qu'est-ce qu'il y a de ludique, qu'est-ce qui fait que certains films nous invitent un peu à jouer avec eux, par exemple des Wood in It où il faut trouver l'assassin ou des choses comme ça. Et puis il affirme avec d'autres penseurs du genre horrifique que probablement que le cinéma d'horreur est déjà un genre ludique en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a ce plaisir de se faire peur, le plaisir de s'effrayer, cette ambivalence dont on a parlé tout à l'heure, et que d'une certaine façon ça appelle une très bonne adaptabilité en termes de jeux vidéo. Alors dans ce passage, il retrace un peu une histoire du genre horrifique en partant d'une adaptation de film d'horreur, le film de Carpenter Halloween, qui est adapté au début des années 80, en 83, par un éditeur tiers pour la console Atari. Alors ce qui est intéressant, c'est que le film date de 78 et qu'en 83, on en fait une adaptation en jeu vidéo, ce qui veut probablement dire qu'on est dans cette culture du film d'horreur qui a été largement dynamisée par la vidéocassette et le vidéoclub, hein. Je veux dire, le film d'horreur et le film de gore, c'est un film de vidéoclub dans les années 80, tout simplement parce que c'est un film qui n'est pas diffusé à la télévision, et puis c'est un film qu'il faut aller trouver en salle de cinéma et qui est parfois pas facilement trouvable. Et la vidéocassette va permettre à certains auteurs du genre, on pense à Wes Craven ou à Carpenter, ou peut-être même à Dario Argento, de pouvoir, comme ça, que leurs œuvres soient vues et connaissent une certaine notoriété. Alors ils vont rechercher les droits d'Halloween, ils l'adaptent, ils utilisent cette petite mélodie caractéristique du film qui est déjà un marqueur d'angoisse fort, et puis ils sont dans ce jeu où on voit, Bernard décrit bien l'espace du jeu comme cette maison où il faut aller sauver des enfants, on incarne d'une certaine façon un avatar qui est le personnage de la babysitter du film, et on a ce surgissement là aussi de Michael Myers, le tueur au masque, le titre français c'est Halloween la nuit des masques, et donc le tueur au masque qui va se jeter sur le joueur, sur l'avatar, il faut donc fuir, donc on est dans cette tension, quelque chose qui vient aussi du hors-champ, il y a déjà une logique un peu de hors-champ, parce que le personnage surgit comme ça, et il faut essayer soit de l'affronter si on a les moyens, soit de le fuir. Donc on retrouve là la logique de survie, hein, qui s'impose dans ces jeux-là. Qu'est-ce qui va motiver le joueur ou la joueuse? C'est de survivre aux événements, de se sortir d'un lieu fermé. Et on est dans ces années-là où pas mal de slashers, donc ces films horrifiques du début des années 80, on peut penser aux Griffes de la Nuit de Wes Craven, on peut penser à Vendredi 13 également, vont donner lieu à des adaptations. Ça, c'est intéressant d'un point de vue économique, parce que c'est des films parfois qui sont interdits au public, à un certain public de joueurs et de joueuses. Et donc d'en faire une version jeu vidéo permet d'ouvrir un petit peu le public. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette grande production des années 80, on interprète essentiellement un personnage positif dans ces jeux-là. Par exemple, la babysitter d'Halloween, ou un adolescent qui va faire face à Jason dans Vendredi 13. Le seul jeu... Donc quelqu'un de vertu, un personnage positif, c'est quelqu'un qu'on a envie de sauver. Voilà, un héros qui affronte le mal, hein, d'une certaine façon. Aristote, en effet, oui, c'est ça, c'est des actions vertueuses. Alors, il y a un jeu du même studio qui a fait Halloween, qui sort à peu près la même année, qui est cette fois-ci une reprise de Massacre à la tronçonneuse. Et le jeu est intéressant parce que cette fois-ci, on joue Lisa Face, le tueur à la tronçonneuse, avec une sorte de jeu d'évitement où on avance sur un plan horizontal de droite à gauche de l'écran, et puis il faut éviter les obstacles, et quand une victime se présente à nous, lui asséner un coup de tronçonneuse en veillant à ce que la jauge d'essence qui alimente la tronçonneuse ne se vide pas. Donc de temps en temps il faut trouver un peu de l'essence pour réanimer sa tronçonneuse, et donc là on est vraiment dans l'idée d'interpréter le mal. C'est un des rares cas qui existe dans ces années-là, puisque en général on est plutôt dans une position morale, d'incarner le bien face au mal. Alors c'est pratique en plus. Ça a changé. Alors ça a pu évoluer un peu dans par la suite, en tout cas peut-être une ambiguïté morale plus marquée dans certains jeux, sur le cas de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, c'est le seul cas où on incarne cette figure du mal, mais en général c'est plutôt sympathique d'incarner le bien, d'une part parce qu'on est dans une position plutôt valorisante socialement, et d'autre part parce que ça permet de justifier aussi qu'on va tuer des zombies de manière assez massive, ou des monstres, ou des chauves-souris, ou ce que vous voulez. Hein. Ces jeux-là vont utiliser tout un bestiaire monstrueux du film d'épouvante, qui va plutôt bien dans cette logique, et va peut-être amoindrir l'usage de la violence, puisque certes on fait de l'usage de la violence, mais pour contrer les forces du mal. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre l'impulsion qui conduit le joueur, le gamer, donc à jouer à un jeu vidéo, et le choix de faire son métier d'acteur, de comédien? Il faut jouer. En fait, c'est vraiment un jeu au sens fort du terme. C'est quelque chose qui nous détache de la réalité et qui nous fait peut-être aller vers des choses que la réalité ne nous offre pas. Enfin, le monde qui n'est pas le jeu vidéo ne nous offre pas, et nous donne, du coup, nous permet de vivre des expériences que nous ne vivrions pas ailleurs. Ce que vous m'avez fait faire tout à l'heure avec le casque sur la tête, jamais je ne vivrais ça. Enfin, peut-être, mais avec cette intensité-là, de cette manière-là, tout en sachant que c'est un jeu, mais en oubliant que c'est un jeu parce qu'on se fait complètement absorber, ce sont des expériences que ma vie quotidienne ne m'offre pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette même demande-là de vivre d'autres expériences? Il y a une catégorie des impulsions du joueur chez Roger Caillois, qui est l'e-lynx, hein, qui est la recherche de vertige, de sensations inusitées. Donc Roger Caillois, qui est un écrivain, enfin un essayiste. Qui est un essayiste, qui est assez essentiel sur les premières catégorisations un peu du jeu. C'est la réflexion générale sur le jeu. Hein, je veux dire, c'est des travaux qui remontent aux années 60. Et Roger Caillois, voilà, nous dit que ce qu'on va chercher dans le jeu parfois, c'est cette recherche de vertige ou de sensations à tout le moins inusitées dans la vie courante. D'une certaine façon, vous étiez doublement là-dedans dans votre expérience de réalité virtuelle sur Resident Evil 7, parce qu'il y avait le côté vertige de cette sensation d'être transporté dans un lieu depuis le studio de Radio France jusqu'à cette vieille vieux manoir de Louisiane. Et puis, en même temps, il y avait cette sensation de danger. Je ne pense pas que vous l'éprouviez constamment dans la vie. Enfin, je ne vous le souhaite pas. Mmh. Mais là, on a ce plaisir d'aller se confronter, se frotter, se tester aussi, sachant que pour des témoignages de joueurs et de joueuses, parfois on n'y arrive pas et on arrête. Et moi, ça m'est arrivé de pas aller beaucoup plus loin dans des jeux vidéo. Tellement ça fait peur. Parce qu'il y a un moment, j'avais quelque chose qui me convenait pas, ou une incapacité à me forcer à aller de l'avant, parce que vraiment c'était trop intense d'une certaine façon. C'est comme toucher une limite là. Ben voilà, c'est se tester sur les limites. Pourquoi c'est un genre qui plaît au public adolescent mâle? Parce que ça recroise probablement des éléments de la boy culture. La boy culture, c'est quoi? C'est éprouver ses limites, devenir un garçon en montrant qu'on sait éprouver ses limites. C'est très genré alors. C'est un genre, oui, assez genré à l'origine. C'est plutôt un genre d'adolescents qui viennent s'effrayer, qui peuvent peut-être emmener leur copine pour pouvoir avoir la capacité de faire le gentleman qui va les rassurer sur la banquette du cinéma. Mais je pense que le jeu vidéo rejoint ça aussi, c'est-à-dire qu'on a là des genres, si on prend soit le motif du gore en général, soit le jeu d'horreur, qui vont confronter à des choses dégoûtantes. Parfois on est même un peu sur des questions un peu scatologiques d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a vu ici de la moisissure, des choses de la pourriture, et tout ça, ça fait partie de la manière dont le jeu vidéo se réempare des formes de socialisation des jeunes garçons et leur propose sur un écran, finalement dans un environnement beaucoup plus sécurisé que s'il faut aller se balader à l'extérieur et tenter soi-même des choses un peu risquées, mais leur repropose ça. Donc ça se retrouve, on l'a dit, dans Mortal Kombat sur des décapitations ou des choses comme ça, dans Street Fighter sur du vomi, où les personnages vomissent sous les coups, c'est un jeu de combat également, Street Fighter 2, et puis sur cette idée d'éprouver un peu ses limites, de montrer qu'on est un bonhomme, un vrai, et qu'on va affronter le mal. Mais au fond, ce qu'on appelle gore, c'est aussi ce qui nous constitue, mais qu'on a désappris à voir, parce que vous parliez de la pourriture des excréments, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a quelques siècles, même la façon que nous avions de vivre au quotidien dans la ville était beaucoup plus proche de ces parties-là de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir aujourd'hui. Donc, en fait, le gore, c'est pas forcément l'exagération un peu grotesque et ridicule qui peut faire rire, c'est aussi tout simplement une partie de notre vie quotidienne qu'on a choisi d'expulser complètement. Probablement que les évolutions historiques ont aseptisé un peu nos rapports à des choses qui en reviennent à notre intériorité. Le cadavre, moi je sais que j'ai un cours sur le cinéma d'épouvante, hein. Je demande aux étudiants qui a déjà vu un cadavre dans la vie, et d'année en année, c'est de moins en moins. Donc c'est, même ça, on est un peu séparés de ça, d'une part. Et puis, il faut se rappeler quand même qu'à la fin du 19e siècle, l'attraction la plus courue à Paris, c'est d'aller visiter la morgue municipale. Et il y a des très beaux passages chez Zola, par exemple, où on voit le public parisien qui va observer les cadavres en putréfaction qu'on a repêchés dans la Seine, puisque évidemment, c'est pour pouvoir identifier les cadavres qu'on les expose publiquement. Donc il y a un goût pour ça, mais probablement qu'aujourd'hui, on va plutôt aller le voir au cinéma, dans les jeux vidéo, puisque dans la vraie vie, c'est des choses qu'on voit moins, ou quand on les voit, elles sont particulièrement choquantes et particulièrement insupportables. Je veux dire que dans l'actualité, en ce moment, il y a des images de l'actualité qui sont ces mains arrachées, par exemple. Elles sont sur les réseaux sociaux et elles nous provoquent quelque chose, voilà, qui n'est pas du tout la jouissance, le goût du gore. On voit tout à fait que c'est autre chose et que c'est des images qui sont particulièrement dérangeantes et qu'il y a absolument aucun goût pour ça. Et si elles nous choquent autant, c'est qu'on est, voilà, on est probablement plus habitué à cette violence réelle dans nos vies. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, pour retourner la critique principale contre les jeux vidéo, à savoir qu'ils rendent violents et qu'ensuite ils produisent des comportements violents dans la réalité, qu'au contraire, les jeux vidéo peut-être soit sont un exutoire formidable qui fait que si on s'adonne à une violence dans les jeux vidéo, on a moins besoin de le faire dans la vraie vie, soit au contraire, enfin, ou encore plus, que ça nous prépare, qu'en fait de voir des mains coupées à l'écran fait que quand on les voit aux infos, on a moins peur. Je suis pas sûr de ça. Je crois qu'elles ont vraiment deux statuts totalement différents, voilà. Et qu'on sait très bien faire cette différence. Moi, je suis David Dufresne qui, en ce moment, qui fait ce travail de nous montrer ces images-là. Et je sais que maintenant, je me dis, j'ai l'information, mais je veux pas me confronter. Qui est David Dufresne? David Dufresne est le journaliste qui est en train de faire le comptage des exactions de la police nationale, là, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, voilà. Enfin, là, typiquement, je pense que le jeu vidéo est à l'image de la société, est à un média de consommation courante, développe. Là, c'est vrai qu'on en parle pendant une heure. Il ne faudrait pas que les auditeurs, les auditrices pensent que c'est ça le jeu vidéo. C'est un aspect particulier, ouais. Que je le redis ici, du jeu vidéo qui s'est développé, qui a une historicité. On a parlé de jeux des années 80, on aurait pu parler même de jeux des années 70, où on commence déjà à explorer un peu ce motif-là. Il y a un goût qui correspond aussi à des manières de se socialiser. On parlait des jeunes garçons tout à l'heure. Si ces manières évoluent, probablement que le jeu vidéo évoluera à son tour. Alors pour aller encore plus loin, et je le fais à dessein, à vous de défendre le jeu vidéo, Alexis Blanchet, pour donner des arguments. Non mais alors, parce que vous disiez, quand c'est un personnage noble, une babysitter, etc., on a envie de la sauver, c'est sûr. Mais quand on est dans un jeu où finalement on ne s'identifie pas au héros, puis qui tire sur n'importe qui, difficile de savoir exactement ce qu'on va y chercher. C'est le cas de Grand Theft Auto. Alors j'ai appris, Alexis Blanchet, qu'à ce genre de jeu vidéo pouvait s'appliquer l'adjectif de fun. C'est pas juste marrant, mais non, c'est fun. Ça veut dire que quoi, c'est gratuit et on s'amuse de la gratuité de la violence? Alors, là, on verse sur un sujet qui est celui de la violence duquel on est parti. On a extrait ce motif du gore et de l'horreur. Le fun est un mot qui est beaucoup utilisé dans les années 2000 par les développeurs de jeux vidéo. C'est une sorte de graal. Un bon jeu doit être un jeu fun. Probablement que ce qui s'exprime dans une séquence telle qu'on vient d'entendre la bande son de GTA, c'est éprouver la liberté du joueur, tester un peu l'environnement, et évidemment dans un environnement qui est constitué de rues, de villes, de bâtiments, de piétons, ça produit ce genre d'accident. Alors ensuite, il faut voir les pratiques des joueurs et des joueuses. Évidemment, ce qui va nous intéresser, nous capter dans GTA, c'est essentiellement la trame narrative principale qui nous permet de... Parce qu'il y en a une. Il y en a une, évidemment, c'est le rise and fall du film de gangster, c'est-à-dire de monter dans la hiérarchie du crime pour devenir le grand brigand de la ville. Bon, c'est du jeu de policiers, de voleurs, de cours de récréation, d'une certaine façon, qui est porté là dans un univers beaucoup plus narrativisé, mais dont on pourrait retrouver les sources dans ce type de pratique ludique. Là, on voit pas grand-chose en revanche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de sang, c'est très violent. Quelques fusillades des derniers peuvent être assez violentes, mais à la manière dont un Tarantino s'est aussi réemparé du motif gore dans sa production des années 90, ou ce qu'on peut retrouver dans le Scarface de Palma, par exemple, de manière ponctuelle sur certaines séquences. Là, je voyais sur toute une série de films qui reprend les narcos mexicains du nord du Mexique. On voit aussi que l'appel au motif gore est très souvent convoqué. Donc, il y a cette question-là. Moi, je me rappelle Noël, mais peut-être pour pousser la question un peu plus loin, c'est-à-dire que la question du gore ou du torture porn qui avait été évoquée à ce micro, oui, par Philippe Rouillet. Oui, Philippe Rouillet en parlait mardi, rappelons ce que c'est. Donc en faisant référence à des films comme Hostel ou à la série des Saw, nous montre des personnages qui vont créer des dispositifs techniques qui vont permettre de faire souffrir des personnages à l'écran. Donc il y a une forme de sadisme totalement assumé dans ce genre de film-là, avec, pour ce qui concerne Hostel, aussi une vision assez intéressante, assez politique de la jeunesse américaine, etc. Je veux dire qu'il y a un propos aussi qui peut se déployer derrière. Alors je sais qu'à l'occasion d'une conférence à Montréal, moi j'avais dit aux collègues, mais d'une certaine façon, ce genre peut exister si le joueur le met en œuvre. Dans GTA, on peut tout à fait aller dans une ruelle, apostropher un piéton, lui tirer dans la jambe et regarder l'algorithme de comportement qui a été pensé par les développeurs du jeu. Et on va avoir un personnage non joueur qui va se tenir la jambe, qui va essayer de fuir, mais qui va fuir lentement, qu'on va pouvoir suivre. Et on peut tout à fait créer quelque chose d'une atrocité totale. Le jeu permet ça. Alors, c'est vraiment un cas, on est bien d'accord, hein, que je prends comme ça, mais ça veut absolument pas dire que les joueurs et les joueuses le font, mais en tout cas, on pourrait tout à fait penser ça. Je pense à un autre jeu, un jeu d'horreur d'ailleurs, DayZ, qui était au départ un mode d'un jeu qui s'appelait Arma 2. Des développeurs en ont fait un jeu de survie où on est menacé par des zombies. Sauf qu'il y a évidemment cette ambiguïté entre est-ce que c'est des zombies ou est-ce que c'est d'autres joueurs, puisque c'est un jeu en ligne. Et on arrive à des situations de questionnement moraux des joueurs incroyables, c'est-à-dire des joueurs qui sont pendant 60 minutes dans des fourrés avec un fusil à lunettes à regarder si au loin, les petits bouts de pixels qui s'agitent, c'est des zombies ou c'est des Mais ça veut dire que humains. Même dans le jeu, on ne peut pas se défaire de la morale. Oui, bah, d'une certaine façon, c'est ce qui rend la séquence beaucoup plus intéressante, qui montre qu'il y a des enjeux d'implication. Et puis, bah, d'une certaine façon, on appartient à une société et on reprojette dans le jeu la manière dont on a été construit. On l'a dit peut-être comme garçon tout à l'heure, comme citoyen. Donc, ça crée ce genre de choses-là qui peuvent être tout à fait intéressantes. Alors, Saw, ils ont essayé de l'adapter en jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo qui existe. Mais là aussi, il y a une négociation qui a été faite, puisque le joueur interprète une victime qui essaye de fuir et de se sortir d'un piège qui lui a été tendu par le Jigsaw. Le Jigsaw est donc ce vilain qui fait ses constructions et ses pièges diaboliques et sadiques. Donc là, probablement, on arrive à des limites assez intéressantes sur là où le jeu va pouvoir aller sur ce type de sentiment-là, de responsabilité, de sadisme. Mais sans doute plus loin que le cinéma, parce que le jeu nous fait croire que nous sommes maîtres du jeu. Or, dans ce que vous décrivez, on ne l'est plus. On assiste à les scènes de torture porn, on assiste à des choses où on ne peut pas du tout faire quoi que ce soit. Donc on est délibérément victime de ce qu'on voit. Dans le cas de GTA, je parle bien d'un joueur qui provoque ce type de Alors, je vous propose un autre exemple, Fantasmagoria. Ah. Écoutez, c'est avec une youtubeuse, Blagada, qui commente ce qu'elle est en train de faire. Oh non, pas lui. Fête pour toi, Regina. J'ai préparé tout ce que tu aimes. Ah, que ça a l'air délicieux. En entrée, des abats dans une belle sauce marinara. Encore faim? Regina s'est étranglée avec son steak au dîner. Oh non. Ah oui. Oh, je suis pas bien. Je regarde plus, j'ai les yeux fermés. Ah, j'ai envie de vomir moi aussi. C'est ignoble, c'est épouvantable. Ah, je me sens pas bien, là. J'étais en train de manger mes M&M. J'aurais dû... Je suis blanche comme un drap, là, j'en suis sûre. C'est vrai que nous, on hésite entre le rire et le dégoût. Il faut dire que là, on est en train d'assister au supplice de Regina, le personnage du jeu, qui est allongé, gavé de tripes avec un entonnoir. Là, on a atteint le maximum du maximum, Alexis Blanchenot. Oh bah non, le cinéma gore a fait bien pire que ça. Le cinéma, encore une fois, là, on est dans le jeu quand même. Ah, écoutez, c'est un peu plus pervers, non? Non, alors on est dans un jeu particulier parce que on est dans un full motion vidéo en fait. Donc c'est un genre vidéoludique qui a vraiment remédié le cinéma, c'est-à-dire qu'il a vraiment intégré, puisque vous avez des séquences tournées avec des acteurs réels qui sont intégrées à la narration du jeu et vous déclenchez comme ça des séquences. Donc la séquence à laquelle fait face ici la youtubeuse, c'est une séquence enregistrée à la manière d'un film gore. Je veux dire qu'on trouverait tout à fait ça dans n'importe quel linéaire de vidéoclub un peu bien fourni en film gore. Ce qui surprend ici, c'est que ça arrive dans le domaine du jeu vidéo, qui n'était peut-être pas habitué à ce type de contenu au début des années 90, au moment où sort Fantasmagoria. Et puis, le document que vous nous présentez, c'est une youtubeuse, donc il y a aussi un effet de mise en spectacle. Si elle va se confronter à ça, c'est aussi pour produire quelque chose. Oui, parce qu'il y a des youtubeurs qui se filment en train de jouer et qui commentent, et c'est un succès incroyable d'ailleurs. Les plus connus ont parfois, PewDiePie a fait son succès, entre autres, sur sa capacité à jouer à des jeux d'horreur et à être extrêmement expressif dans son expression de la peur qu'il ressentait. Mais donc, évidemment, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du spectacle à produire. Se confronter à ce type de séquence, c'est aussi voilà manifester son dégoût et d'une certaine façon le plaisir. Nous, ça nous tire plutôt un sourire là de voir l'avoir parler de ses M&M's et qu'elle est blanche comme un linge. Ça nous fait plutôt sourire en se disant mais pourquoi elle s'est mise dans une telle situation. Mais il se passe des choses intéressantes aussi. Si vous me permettez juste sur je pense à un jeu français tiens pour le coup. Un dernier point, le dernier point. Ouais. Ouais. C'est un jeu qui s'appelle Horde, qui a été fait par une boîte bordelaise qui s'appelle Motion Twin. C'est un jeu en ligne. Alors, d'horrifique, ça n'a pas grand-chose, puisqu'en fait, vous êtes devant votre navigateur, vous avez des données, des informations. Il n'y a pas de moteur 3D comme on a pu le tester aujourd'hui. Il n'y a pas d'animation particulière. Mais en fait, l'idée, c'est que vous êtes un groupe de survivants dans une ville et que chaque soir à minuit, il y a une horde de zombies qui déferle sur la ville. Et est-ce que vous allez réussir à bien vous entendre ensemble pour tenir un maximum de jours? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu, qui est un jeu de la fin des années 2000, on retrouve la logique qui sous-tend un film comme La Nuit des Morts Vivants, c'est-à-dire comment le collectif va nous permettre de faire face au mal et faire face à l'horreur. Et d'une certaine façon, voilà, là on retrouve peut-être quelque chose qui a à retenir de ça dans le film d'horreur. Merci beaucoup Alexis Blanchet. Merci à vous. Merci d'être venu nous parler du gore dans les jeux vidéo, de m'avoir proposé cette expérience inouïe de jouer à un jeu horrible, Resident Evil, c'est ça, avec un casque 3D. Et merci pour le travail que vous faites donc sur les relations entre jeux vidéo et cinéma. Et vous êtes en train de travailler sur une histoire du jeu vidéo en France avec Guillaume Montagnon. Ben, on a hâte de vous lire. À bientôt. À bientôt. Took a ride to see a friend. To my surprise, the man was a kid again. He ran back to the television, took a seat. Big change, cause he used to love her on the streets. I closed the door, made myself at home. He was acting as if he was in a twilight zone. I won't say no names, though he showed no shame. He jetted back to the world of a video game. So there he sat with his eyes crisscrossed, pushing buttons, looking like he's in the land of the lost. I try to get his attention, so I stepped in the way. He said, shine, you wanna get boom bash today? I backed up, took a look to see what was so fascinating. After a while, I too was participating. Not because of my friend's harsh words, but because of the death melody I heard. Hit it! He just sat on the mat, every point he'd catch. Looking like he's straight out of Cabbage Patch. Quite contented, scoring his points. Now he don't remember nothing about throwing no joints, but after 200,000 points or so, he messed up, so I think it's my turn to go. Me, Mario, I'm a man tango, just having a ball with some Nintendo. Hit it! Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Heureusement que vous êtes là pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le gore dans la vie, mais il y a aussi l'amour et la Saint-Valentin aujourd'hui. Exactement, je veux vous parler d'amour aujourd'hui. Alors oui, vous pourrez m'objecter que la Saint-Valentin, ça n'a rien à voir avec l'amour, que c'est une fête commerciale et que les sentiments, eux, ne se monnaient pas. Mais non. Vous aurez raison d'une certaine manière. Vous aurez d'ailleurs en fait la même réflexion que la plupart des essais qui paraissent sur le sujet et qui se posent cette question. Comment en est-on venu à marchandiser l'amour, le sexe, les sentiments et les émotions? La question est d'autant plus légitime que quand on parle d'amour, ce que l'on a en tête, ce sont plutôt des textes qui en parlent comme ça. Du moment qu'il aime, l'homme le plus sage ne voit plus aucun objet tel qu'il est. Il s'exagère en moins ses propres avantages et en plus les moindres faveurs de l'objet aimé. Les craintes et les espoirs prennent à l'instant quelque chose de romanesque. Il n'attribue plus rien au hasard. Il perd le sentiment de la probabilité. Une chose imaginée est une chose existante pour l'effet sur son bonheur. C'est en 1822 que Stendhal publie son essai de l'amour. Pour une fois, l'auteur de La Chartreuse de Parme ne veut pas passer par la fiction pour parler d'amour, mais par l'idée, à la manière des idéologues comme Condillac et des Destutt de Tracy. Ce qu'il veut en effet, c'est élever ce sentiment à la hauteur de la généralité, en faire une analyse psychologique et sociologique. En cela, sa démarche est assez révélatrice de l'approche qui a prévalu à l'époque moderne. L'amour est alors appréhendé comme une passion, dont il s'agit de démêler les causes, les rouages et les effets. On peut aussi penser aux passions de l'âme de Descartes ou à l'éthique de Spinoza qui distingue les passions joyeuses des passions tristes. Là est l'essentiel, analyser l'amour comme une passion, d'une part comme l'objet qui affecte le sujet et comme l'état passif d'autre part dans lequel se trouve le sujet transi. Mais les choses étaient bien différentes avant, pour les antiques. L'amour s'analysait alors sur le mode de l'essence. Qu'est-ce que l'amour? D'où vient-il? Est-il d'essence divine ou humaine? Est-il un vice ou une vertu? Ou encore, comment le distinguer de la sexualité, de l'amitié et du bonheur? Moins romantique comme approche, l'amour n'en restait pas moins une disposition de l'âme dont il s'agissait de faire bon usage. Et enfin, loin de là, il y a l'amour aujourd'hui. À lire les essais actuels, ni vertu ni passion, il serait devenu une valeur, et pas n'importe laquelle, une valeur marchande. Ça y est, nous y sommes. Après des années de recherche, nous avons enfin trouvé la solution pour passer une Saint-Valentin parfaite. Nous avons révolutionné l'art de boire à deux. Voici la Valentine's Cup. Deux pailles pour partager votre boisson. Et un peu plus. En exclusivité jusqu'au 14 février. Bonne Saint-Valentin chez Burger King. Bonne Saint-Valentin chez Burger King. Alors comment en est-on arrivé là? Comment l'amour est-il arrivé là à être utilisé pour vendre du coca et des burgers? Et comment en est-il arrivé à être symbolisé par le partage d'un gobelet à deux pailles? Pourquoi pas après tout? Et bien, c'est la question qui anime l'essai du philosophe américain Michael Sandel, Ce que l'argent ne saurait acheter, paru en français en 2014 au Seuil. L'amour est certes soumis aux lois du marché, mais le devrait-il? N'est-il pas une valeur inquantifiable? N'est-il pas une sphère incompatible avec le capitalisme? La thèse de Sandel est morale. L'amour doit être, selon lui, préservé des logiques marchandes. Mais on peut invoquer à l'inverse l'éthique minimale du philosophe ruvenogien. En matière de corps, de relations et d'amour, seule devrait prévaloir la liberté individuelle, un droit moral envers soi-même, que l'on choisisse de monnayer ou pas une relation. Mais entre ces deux positions sur l'amour, peut-on et doit-on vraiment choisir? Est-on totalement libre quand il s'agit d'amour et peut-on complètement protéger l'amour des logiques actuelles? Ce sont les observations de deux essais tout juste parus. Le premier, Eros Capital, de François de Smet, l'affirme « Il est tout autant illusoire de croire que l'amour échappe aux lois du marché que de dire que la liberté est totale quand on tombe amoureux. » Le deuxième essai est un ouvrage collectif paru sous la direction d'Eva Illouz. Avec son titre « Les marchandises émotionnelles », il dit bien sa thèse. À une époque de rationalité, les émotions sont devenues dans le même temps des marchandises ultra présentes, des cartes de vœux payantes, aux playlists spéciales Saint-Valentin comme celles que l'on entend. D'une certaine manière, les essais les plus actuels saisissent l'amour comme un objet rationnel, soumis à des logiques économiques ou morales, bien loin de l'amour passion ou vertu qui nous agite, nous affecte, nous touche absolument pour lui-même, il serait devenu un biais, un moyen pour atteindre autre chose que lui-même, qu'il s'agisse de l'enrichissement du capital ou d'un enrichissement moral. La question est alors là, l'amour peut-il l'être absolu, ne valoir que pour lui-même ou n'est-ce là qu'une illusion? Merci Géraldine. Du gore à l'amour, le programme est complet ce matin grâce à vous. Dites-nous ce que vous nous conseillez de lire. Alors on va pouvoir clore ce programme avec François de Smet et la lecture d'Eros Capital, c'est paru aux éditions Climat. C'est noté, merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Nicolas Berger me signale qu'on garde ce générique pour la Saint-Valentin. C'est pas alors mal. Soit je remercierai l'équipe sur cette musique langoureuse. Merci à Mathieu Tarpin qui m'a aidé à préparer cette émission sur les jeux vidéo. Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. Pascal Bredin qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain à l'occasion d'un nouveau Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de Justin Smith. D'ici là, si vous voulez réécouter cette série d'émissions sur le gore, sachez que c'est facile et que c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur les réseaux sociaux. L'équipe des Chemins de la Philosophie sera ravie de répondre à vos questions sur Twitter, Facebook et Instagram. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.